Il est un être confus qui existait avant le ciel et la terre. Oh, qu'il est calme, oh, qu'il est immatériel. Il subsiste seul et ne change point. Il circule partout et ne périclite point. Il peut être regardé comme la mère de l'univers. Moi, je ne sais pas son nom. Pour lui donner un titre, je l'appelle Voix, Tao. En m'efforçant de lui faire un nom, je l'appelle Grand. De Grand, je l'appelle Fugace. De Fugace, je l'appelle Éloigné. D'Éloigné, je l'appelle L'être qui revient. C'est pourquoi le Tao est grand, le ciel est grand, la terre est grande, le roi aussi est grand. Dans le monde, il y a quatre grandes choses, et le roi en est une. L'homme imite la terre imite le ciel imite le Tao imite sa nature.